Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par la toute nouvelle Ascent 2019, la plus grande Subaru jamais construite. Elle a trois rangées, de la place pour 7 ou 8 personnes, 19 porte-gobelets et la sécurité légendaire d'une Subaru. Venez la découvrir chez votre concessionnaire Subaru participant. Subaru, confiance et évolution. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Emily Carr, icône féminine de la peinture canadienne. Au fond, c'est son isolement qui va la rapprocher du monde. C'est une femme extrêmement isolée, dans un milieu qui n'est pas du tout féru de peinture, pas du tout féru d'art. Alors, quelle est sa seule façon d'en sortir ? Bien, c'est d'aller ailleurs. Et l'ailleurs immédiat, c'est la forêt. C'est le monde autochtone, ce sont les Indiens. Bernard Lévy, le directeur de la revue La vie des arts, interviewé dans le documentaire Vert ou bleu, un portrait d'Emily Carr, réalisé par Michel Smolkin en 2002. Le parcours d'Emily Carr est étonnant à bien des égards. Cette femme qui va passer sa vie sur la côte ouest, loin des cercles artistiques restreints de Montréal ou de Toronto, deviendra pourtant l'une des femmes peintres canadiennes les plus connues du 20e siècle. Et c'est en peignant des scènes de forêt ou de matotémiques amérindiens qu'elle va devenir célèbre. Ce qui est intéressant, je pense que dans ce contexte d'Emily Carr, c'est est-ce qu'elle voulait vraiment créer un art canadien, ce qui était très à la mode à cette époque, parce que c'est une période dans l'histoire du pays où les Canadiens commencent à essayer, ils essaient de se définir. Est-ce que nous sommes des expatriés européens ou est-ce que nous, il y a une identité qui se crée dans ce pays? Ce n'est pas une question que Emily Carr va articuler, mais c'est clair, ce qu'elle veut exprimer, c'est l'environnement de son propre pays, ce qui est la Colombie-Britannique. Et ce qui est unique pour elle, ce qui parle de la Colombie-Britannique, c'est la culture autochtone. Alors, c'est les arts, les habitations, les maisons, les matotémiques dans le paysage de la Colombie-Britannique qu'elle veut exprimer et qui parle pour elle de l'expérience qu'elle a eue vivant en Colombie-Britannique. Dans ce cas-là, elle est très similaire à Clarence Gagnon, un artiste qui travaillait à la même époque au Québec, qui allait dans les villages du Bas-Saint-Laurent, dans le comté de Charlevoix, pour justement trouver aussi des racines d'identité pour une culture unique. Charles Hill, conservateur au Musée des beaux-arts du Canada en janvier 2002. Pour nous présenter la vie et l'œuvre d'Emily Carr, je reçois Anne-Marie Bouchard, qui est conservatrice de l'art moderne, responsable de la direction des collections et de la recherche au Musée national des beaux-arts du Québec à Québec. Anne-Marie Bouchard, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, la figure d'Emily Carr dans l'art canadien? Bien, c'est clairement une des artistes canadiennes les plus en vue, autant dans le milieu muséal que sur le marché de l'art comme tel. Une personne dont les ventes dernières ont été quand même assez phénoménales. Puis, en fait, on lui reconnaît vraiment une posture marginale puisqu'elle n'a jamais évolué réellement dans les milieux de Montréal ou de Toronto. Elle était dans un milieu où elle était isolée, comme oui. disait Bernard Lévy. Et ça fait que son regard sur la culture de la Colombie-Britannique est complètement unique et que lorsqu'on a fini par découvrir son travail, ça a ouvert une perspective vraiment nouvelle dans l'art canadien. C'est étonnant, en fait. Elle est complètement à l'extérieur de l'orbite du milieu culturel et artistique et de la peinture à l'époque. Là. Oui, complètement, en fait. Et par rapport à ce que disait Charlie Hill, c'est vrai que ça ressemble à Clarence Gagnon, son parcours. Il y a la même recherche d'authenticité dans l'idée d'une certaine tradition rurale ou quelque chose dans son cas, cas à elle, c'est la culture autochtone du milieu dont elle vient. À cette différence près que Clarence Gagnon évoluait dans ce milieu oui. de Montréal et de Toronto et même de Paris. Et donc, il avait déjà plus conscience d'une certaine volonté de créer un art national, alors que ça ne fait pas du tout partie de son discours à elle et qu'on sent qu'elle est vraiment dans une dynamique complètement différente, mais qu'elle va finir par se rattacher à cette idée qu'elle représente quelque chose du Canada au moment où elle va le rejoindre, entre autres les artistes du groupe des Sept. Ouais. Comment décrire sa peinture? Puis pour rester dans le même ordre d'idée, à l'époque où elle peint, là, quelle place elle occupe dans ce grand portrait de la famille des peintres canadiens? Bien, elle est assez isolée, en fait, puisqu'elle est sur la côte ouest, donc il n'y a pas de milieu artistique comme tel. Ceci dit, esthétiquement, elle n'est pas nécessairement loin de ce que font ses contemporains à la même époque. C'est elle qui, après un voyage en France, va introduire la peinture fauve sur la côte ouest canadienne en 1912, ce que fait John Lyman à Montréal en 1913. Donc, il y a vraiment une espèce de parenté ou de contemporanéité qui est très forte entre elle et ceux qui sont sur la côte est, dans les métropoles. Ceci dit, je ne pense pas qu'elle en soit nécessairement complètement consciente, puisque le milieu dans lequel elle évolue est très conservateur et très académique. Puis si on décrit un peu sa peinture, quand on se retrouve devant une toile d'Émilie Carr, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la couleur, on voit les mots totémiques, les villages autochtones. Plus vers la fin de sa carrière, on va voir une espèce de considération pour la transformation du paysage à travers la déforestation de la Colombie-Britannique. Ce qui est intéressant, c'est vraiment son rapport avec la couleur, la lumière dans les tableaux, qui est vraiment des tendances très, très, très modernistes et qui sont directement prises et inspirées de ce qu'elle a vu en Europe, mais qu'elle associe à toute une iconographie autochtone de la côte ouest qui va devenir célèbre à ce moment-là aussi parce que le gouvernement de la Colombie-Britannique souhaite la mettre à l'avant-plan pour sa promotion touristique. Revenons sur son parcours. On a déjà bien vu depuis quelques minutes qu'on jase ensemble, Anne-Marie Bouchard, que c'est une fan qui a vraiment un parcours très, très atypique, très singulier. Bon, l'isolement à l'extérieur des cercles artistiques. Pour comprendre d'où elle vient, parlez-moi un petit peu du milieu auquel elle appartient. Elle naît à Victoria en 1871. À quel milieu elle appartient? Quel genre d'enfance, d'adolescence elle va avoir, Émilie Carr? Elle vient d'un milieu... En fait, ses parents sont anglais. Ils se sont promenés un peu. Son père est un homme d'affaires et il finit par s'installer à Victoria. Une grande famille. Elle a 5 sœurs, je crois. Ils vont être vraiment dans un milieu relativement conservateur anglais. Elle disait que la maison avait tout d'une maison anglaise, même si c'était dans un cadre sauvage de l'île de Vancouver qui était complètement différent. Et par la suite, son père a une attitude quand même assez ouverte en ce qui touche l'éducation de ses filles. Mais il y a quand même une certaine sévérité et elle va vraiment commencer sa formation artistique au moment où ses deux parents vont décéder dans les années 1880. Elle réagit mal, en fait, à l'autorité de sa sœur plus vieille qui s'occupe de la famille et elle va demander au tuteur de la famille si elle peut aller étudier à San Francisco. Et à partir de ce moment-là, on voit vraiment le déploiement du début de sa carrière. C'est là que ça commence sérieusement. Donc, étude à San Francisco, puis elle va poursuivre en Europe aussi. Elle ira étudier en Europe également. Elle étudie à San Francisco pendant 2-3 ans. Elle revient à Victoria. Elle ramasse des sous en donnant des cours des cours d'art. Et par la suite, elle part à Londres pendant plusieurs années. Elle n'est pas nécessairement très à l'aise dans la ville de Londres. L'école où elle étudie, la Westminster Art School, ne lui convient pas non plus en termes d'enseignement. Elle trouve que c'est trop conservateur. Et elle réagit mal au contexte urbain. Et donc, elle va faire un petit voyage en France. Elle se rend vite compte que c'est plus intéressant ce qui se passe artistiquement en France. Elle revient en Angleterre, s'en va sur la côte de Cornouailles, où il y a des colonies artistiques. Et là, elle va être en contact avec des peintres qui valorisent la peinture de plein air. Elle est un peu elle est loin de Londres, ça se passe un peu mieux. Mais dès qu'elle retourne à Londres, elle tombe malade et elle n'arrive pas à se remettre, en fait, des difficultés qu'elle ressent dans le milieu dans lequel elle est. Et elle va être carrément hospitalisée dans un sanatorium pendant 18 mois où elle cesse de peindre, mais elle fait des dessins, des croquis, des sketchs de l'hôpital dans le sanatorium. Et c'est tout à fait amusant et c'est toujours plein d'humour et d'esprit, là. Et puis elle revient, donc, après ce passage à Londres, avec cette longue hospitalisation, elle revient en Colombie-Britannique. Et c'est là qu'elle va découvrir, s'intéresser pour une première fois à la culture autochtone. Dans quelles circonstances? Elle avait fait un premier petit voyage à la fin des années 1800 avec sa sœur sur l'île de Vancouver dans une réserve. Mais c'est vraiment en 1907 où elle fait un voyage avec sa sœur Alice jusqu'en Alaska, où là, elle découvre vraiment les mots totémiques et elle est complètement fascinée et elle va faire plusieurs dizaines de croquis de tout ce qu'elle voit dans les communautés, en particulier dans la communauté de Sitka. Et elle dessine tout ce qu'elle voit. Donc, autant ce qui relève de la culture autochtone que ce qui relève, par exemple, de l'architecture russe, parce que ça fait seulement une quarantaine d'années que la Russie a vendu l'Alaska aux États-Unis. Ouais. Donc, on voit encore ce patrimoine-là. Donc, elle est complètement fascinée et c'est vraiment à ce moment-là que dans sa tête va se forger l'idée de se consacrer uniquement à la représentation de la culture et des villages autochtones de la Colombie-Britannique. Mais elle n'a pas encore oublié la France et ce qu'elle avait senti comme richesse sur le plan culturel en France. Elle y retourne donc en 1910, repart en Europe. Quelle importance ça va avoir, ce voyage-là, pour elle comme peintre? On écoute à nouveau le conservateur au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa, Charlie Hill. Et c'est ça qui est unique du mission d'Emily Carr. Alors, elle va en France et, comme je dis, comme d'autres artistes, elle va apprendre un langage. Mais ce qu'elle apprend, c'est l'art fauviste, la couleur, la vivacité. Et c'est ça qu'elle cherche, ce qu'elle appelle l'art nouveau, ce nouvel art pour justement exprimer ce qui est un langage qui est assez fort. Et puis, elle va aller en Bretagne où elle va peindre ses jeunes enfants dans son intérieur et aussi ce paysage d'automne qui est très proche d'un tableau qu'elle va présenter au grand salon d'automne, le salon avancé à Paris en 1911. Et c'est la vivacité de couleurs. Il y a une vivacité dans ce paysage et c'est ça qu'elle apprend. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour elle, pour Emily Carr, ce voyage en France? Qu'est-ce que ça va apporter à sa peinture, Anne-Marie Bouchard? Mais pendant qu'elle est là-bas, on voit vraiment se déployer toute une gamme de styles. En fait, on voit qu'elle est en apprentissage intensif. Il y a certains de ses paysages qui ressemblent vraiment à ce que font les fauves, à Matisse ou à d'autres. Et il y a certains paysages qui vont même aller jusqu'à ressembler à ce que fait Van Gogh, par exemple. Donc, on voit qu'elle est vraiment dans un moment où elle intègre, où elle se nourrit profondément et elle essaie, dans une forme d'expérimentation, de faire avancer son style. Et en fait, le fauvisme, c'est surtout un style artistique qui se définit par des couleurs extrêmement vives, comme dit Charlie Hill, mais aussi une façon de dessiner avec la couleur. Et donc, il y a comme toute une dimension académique qui disparaît, et c'est vraiment l'expression de la couleur qui devient le centre de la peinture, du style de la personne. Et donc, c'est vraiment ça qu'elle va adopter et qu'elle va souhaiter mettre en relation avec ce qu'elle observe dans les communautés autochtones à son retour, et c'est ce qui va donner son style emblématique. Et de fait, très, très vite, elle revient en 1912 en Colombie-Britannique, mais dès l'été 1912, elle a hâte, là, elle veut justement expérimenter ces nouvelles techniques avec ce paysage, ces paysages de la Colombie-Britannique et cette culture autochtone. Elle part donc 6 semaines à la rencontre des communautés autochtones de la côte ouest. Qu'est-ce qui l'intéresse tant dans la culture autochtone? Ben, c'est tout, en fait, les mots totémiques, les villages, l'espèce de panorama global du village et de son intégration dans la nature de la Colombie-Britannique. Donc, la présence matérielle, physique de la culture autochtone. Oui, vraiment. On sent pas... Il y a parfois des personnages dans ses œuvres, mais ce qu'on sent vraiment, c'est ce rapport-là entre une culture qui élève des totems, élève des monuments qui sont vraiment impressionnants et qui l'impressionnent beaucoup. Et cette espèce de nature qui est complètement luxuriante et qui prend énormément de place dans ses œuvres. Ça arrive même parfois qu'on voit des sculptures qui sont vues de derrière parce que... puis elle nous dit dans le titre, ben voilà, c'est un ours souriant, quelque chose comme ça, parce qu'elle n'est pas capable, à cause de la végétation, d'aller le prendre de face. Mais elle le voit, mais elle n'est pas capable de s'installer. Donc, il y a vraiment cette espèce de dualité entre la nature et la culture autochtone qui l'intéresse profondément. Ouais. 1910, là, on est au début des années 1910, elle part pour 6 semaines en 1912. Parlez-moi de ça. Écoutez, les années 10, une femme blanche qui part dans des communautés éloignées, rencontrer des communautés, des gens qui habitent ces communautés autochtones, c'est vraiment pas banal. Comment ça se passe? Comment elle est reçue par les communautés autochtones qu'elle visite? Bien, quand on lit ses ouvrages, parce qu'elle a beaucoup écrit aussi à la fin de sa vie en se remémorant ses premiers voyages, et quand on lit ses ouvrages, on se rend compte qu'il y a une espèce de... Elle est animée par une curiosité incroyable, mais que d'un autre côté, il y a aussi une curiosité de la part des peuples où elle se promène, elle développe des relations, mais qu'à la base, c'est vraiment une relation de curiosité. Elle raconte dans Kliwik le premier voyage qu'elle fait où elle se retrouve dans un endroit, puis que quand elle se retourne, elle se rend compte que tous les gens du village sont rendus derrière elle en train de l'observer. Donc, il y a toujours cette espèce de relation-là, mais... Une vraie rencontre, une curiosité commune. Oui, puis après ça, c'est sûr que c'est toujours un regard d'une personne... ça reste un regard aussi colonial. Jusqu'à un certain point, plusieurs de ces communautés-là vivent déjà avec des missionnaires. Donc, c'est pas nécessairement tout simplement nouveau pour eux de voir quelqu'un qui arrive comme ça. Mais c'est sûr que c'est pas anodin de voir une jeune femme arriver comme... C'est anodin de voir une jeune femme arriver comme ça dans une réserve parce que ça ne devait pas arriver très souvent. Ouais. Et surtout avec cette mission-là affirmée de dire « je veux représenter votre culture ». Donc, ça va donner quoi? Ces tableaux qu'elle va faire quand elle part comme ça en tournée dans les communautés autochtones, ça ressemble à quoi? Comment décrire les tableaux de Minicar à cette époque-là? C'est très détaillé. C'est vraiment centré sur les monuments, les totems. Ce qui l'intéresse, c'est de travailler à la fois sur quelque chose de très descriptif, mais on sent aussi qu'elle attribue une force intrinsèque à toute cette culture-là. Et donc, on sent à la fois une volonté de représenter de façon détaillée presque les lieux, mm-hmm. mais en même temps de vouloir transmettre à la personne qui va regarder son œuvre quelque chose de la force de cette culture qui l'impressionne elle-même, en fait, et qui lui permet... Elle s'approprie cette force-là aussi parce que ça donne de la puissance à sa peinture. Et donc, c'est plus difficile à décrire. C'est tellement coloré, c'est tellement vivace, c'est tellement dynamique. Puis en même temps, les totems prennent parfois toute la place dans la surface picturale. Et parfois, c'est plus éloigné. C'est extrêmement imaginatif et expérimental jusqu'à un certain point aussi. On écoute pour pousser plus loin encore sur cette description de ce qu'elle fait, de ce qu'elle produit comme peinture à cette époque-là à Minicar. On écoute Andrea Gumpert du Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa en parler à l'émission Pour la suite des choses en 2006. Ce qu'on voit dans ces tableaux-là, c'est vraiment un effort de l'artiste de préserver les œuvres ou les mototémiques, les villages, parce que plusieurs de ces artistes croyaient vraiment que les peuples autochtones disparaissaient. Donc, c'était une façon de conserver leur culture en forme de tableau. Donc, les œuvres, surtout par Emily Carr, pas par tout le monde, mais Emily Carr, elle faisait un grand effort de peindre exactement ce qu'elle voyait. Elle changeait rien. D'autres artistes mélangeaient des fois et déplaçaient un mototémique dans un autre village pour avoir un peu un tableau un peu plus beau à regarder. Mais Emily Carr respectait vraiment exactement ce qu'elle voyait. D'autres Quand on regarde cette peinture qu'elle fait, la représentation qu'elle fait des communautés autochtones qu'elle visite avec nos yeux d'aujourd'hui, au moment où les questions d'appropriation culturelle sont si importantes en art, qu'est-ce qu'on peut conclure? Quel jugement on peut porter sur le travail, sur la représentation, Anne-Marie Bouchard, que fait Emily Carr des peuples autochtones? Bien, je dirais qu'à partir des années 1990, son héritage et son travail a été vraiment réévalué à partir d'une perspective plus postcoloniale parce que faut jamais oublier que c'est une personne qui est issue de la culture dominante, donc la culture des colonisateurs, qui se déplace comme ça dans des villages autochtones et qui peint leur culture et qui a cette prétention donc de la faire survivre à elle-même. Donc, elle prétend que la culture va disparaître. Et c'est vrai que c'est ça qui est en train d'arriver parce qu'on est en plein moment, on est en plein au moment où les politiques d'assimilation battent leur plein sur dans toute la grandeur, dans tout le Canada. Donc, c'est pas seulement la côte ouest, c'est dans tout le Canada. Au début du 20e siècle, c'est l'âge d'or des politiques d'assimilation. Donc, et là, c'est pas faux de dire qu'il y a quelque chose qui va disparaître, effectivement, mais c'est troublant de penser que ça prend la culture coloniale pour refaire ces représentations-là, alors que on est en train précisément de retirer aux Autochtones la possibilité de vivre leur culture. Une forme donc, paradoxe. C'est un paradoxe qui est irréconciliable, puis qu'il ne l'est pas encore aujourd'hui. Ouais. Ça dit ce qu'elle produit comme peinture. Je nous replace à l'époque. Là. Si on commence avec le début des années 10, c'est très, très différent de ce qu'on peut voir. Comment s'est reçue la peinture d'Emily Carr au début? C'est mal reçu. Quand elle organise sa première grande exposition au début des années 10 à Vancouver, elle fait même des conférences. Elle a vraiment la volonté de partager, en fait, son enthousiasme pour la culture autochtone de la côte ouest. Et c'est mal reçu tout simplement parce que les gens sont pas habitués de voir ça. Il y a à la fois cette espèce de malaise par rapport à la représentation de la culture autochtone qui est pas faite par une autochtone et qui est donc pas vue comme étant authentique. Et simultanément, le fait qu'elle utilise le langage moderne de la peinture européenne pour faire ces représentations-là, langage moderniste qui est pas du tout en vogue dans le milieu dans lequel elle évolue. Donc, il y a les deux principales caractéristiques de son travail sont mal reçues. Ouais. Tant et si bien qu'elle va faire une très, très longue pause, presque 15 ans sans peindre? Oui, elle va tout simplement se retirer. Elle va avoir une espèce de pension. Elle va élever des animaux. Puis elle va, par contre, durant cette période-là, puis ça, c'est, ça ramène encore à la question de l'appropriation culturelle, mais elle va se mettre à faire des objets plus d'artisanat qui sont plus qu'inspirée, en fait, des cultures qu'elle connaît, donc qui sont pratiquement des répliques. Et même elle, à la fin de sa vie, va être capable, à un certain moment, de prendre conscience du fait qu'elle était en train de produire de l'artisanat autochtone, donc de s'approprier toute une iconographie qui était quand même mise en vogue par cette espèce de colonialisme qui était mis en place par le gouvernement de la Colombie-Britannique, qui utilisait cette iconographie aussi pour vanter les mérites du tourisme, les intérêts pour le tourisme, tout en ayant des politiques d'assimilation. Donc, c'est une situation complètement paradoxale à tous les niveaux. Ouais. Son talent va finir par être reconnu. Ça va être long, donc il y a cette pause là où elle fera de l'artisanat autochtone, mais elle reviendra en force, en fait. C'est dans les années, fin des années 20 et dans les années 30 que vraiment on va s'intéresser, on va faire une juste part au travail d'Emily Carr. Dans quelles circonstances on découvre enfin son travail? Il y a plusieurs personnes qui commencent à connaître son travail, puis entre autres l'ethnologue québécois Marius Barbeau, qui fait des recherches sur la côte ouest, sur les peuples autochtones aussi, et qui va encourager Eric Brown, qui est le directeur à l'époque de la nouvelle National Gallery du Canada, qui vient depuis quelques années en peine de naître. Et donc, ils ont quand même une certaine volonté de faire valoir la culture canadienne. Et quand ils découvrent Emily Carr, ils vont tout simplement l'inviter à venir participer à une grande exposition à la National Gallery à Ottawa. Et c'est pour elle un moment de... Après toutes ces années de pause, c'est comme un moment de consécration. Et ça va surtout lui permettre, ben, un, de se faire connaître, et deux, d'entrer en contact avec le milieu ontarien, anglophone, qui est vraiment en train de devenir le centre de l'art canadien à ce moment-là, autant à Toronto qu'à Ottawa, parce qu'il y a des institutions qui se mettent en place et aussi parce qu'il y a le groupe des sept qui anime le milieu torontois et qui est très actif. Avec quelle fréquentation? Oui, il y a tout un milieu de collectionneurs et de mécènes qui est mis en place à cet endroit-là qui lui permet de vraiment rentrer dans un réseau. Ouais. Aujourd'hui, quand vous repensez à Marie Bouchard, à son héritage, avec le recul, quand vous regardez le parcours, l'œuvre d'Emily Carr, qu'est-ce qui vous vient tout de suite en tête? Bien, que c'est probablement une des premières femmes artistes canadiennes à vraiment, peut-être à cause de son isolement, parce qu'elle ne subissait pas une pression pour agir comme ça, mais c'est vraiment une des artistes canadiennes femmes en premier qui va se détacher des thématiques qu'on associe toujours à la peinture féminine. Et ne serait-ce qu'en ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument fabuleux, et c'est probablement pour ça qu'on la considère comme une icône de la peinture canadienne. Et c'est aussi quelqu'un qui aujourd'hui reste profondément important dans le discours sur l'art canadien, parce que son œuvre continue de susciter des polémiques, et on est encore en train de réfléchir à comment on doit la recevoir, parce qu'elle est d'une telle complexité et parce qu'elle nous met aussi devant des contradictions dans lesquelles on est encore empêtré aujourd'hui. Ouais. C'était absolument fascinant. Anne-Marie Bouchard, conservatrice de l'art moderne de la première moitié du 20e siècle au Musée national des beaux-arts du Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Guy Charbonneau. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante: histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.